La direction et le personnel du marché Richelieu épicerie Florent Lachance de Saint-Prime vous souhaitent une heureuse période des fêtes. Que la nouvelle année vous apporte paix, santé, bonheur et qu'elle comble vos moindres désirs. Depuis maintenant 62 ans, nous prenons plaisir à vous servir. C'est d'ailleurs pour vous remercier de votre support indéfectible que nous avons complètement rénové notre espace et nos équipements au cours de la dernière année, soucieux d'être à la hauteur de vos attentes, chers clients. Nous serons honorés de continuer à bien vous servir en 2018. De la part du marché Richelieu, épicerie Florent Lachance de Saint-Prime, joyeux Noël et bonne année. Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercie de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. Tombe. Les cœurs deviennent sensibles et chaleureux. On rêve et on pense aux belles rencontres des temps des fêtes. Madame Thérèse Bouchard, conseillère fiscale pour HR Block, veut vous souhaiter le plus merveilleux temps des fêtes. Laissez-vous gâter par vos amis et réjouissez-vous avec les parents. Que la prochaine année soit une fontaine de jouffance. Tels sont les vœux de Madame Thérèse Bouchard, conseillère fiscale chez HR Block, 1670 boulevard Wahlberg, en face du restaurant Mike's, 418-276-80-25. On va faire la revue de l'année du sport national au Saint-Lac-Saint-Jean, c'est-à-dire, une blague à part, le patinage de vitesse sur courte piste, avec notre collaborateur François-Olivier Robert. Salut François! Salut, c'est pas des blagues, le Saint-Lac-Saint-Jean, c'est le patinage de vitesse all the way. All the way, hein, c'est sûr. T'as juste à regarder l'équipe féminine, là, puis tu comprends facilement. Tout à fait. Hein? Pourquoi qu'on dit ça? François, le championnat du monde, l'année a commencé avec le championnat du monde de patinage de vitesse sur courte piste. Oui, donc si on regarde ça en 2017, donc ça, nous, c'est quand on refait une revue de l'année, il faut toujours revenir pour nous dans la dernière saison. Là. Nos saisons fonctionnent automne-hiver. Donc, conclusion de la saison 2016-2017, c'était les championnats du monde. Championnat du monde, bon, on peut en parler longtemps, là, mais j'ai retenu deux grands noms. Ce sera sans surprise pour vous que je vais dire Marianne Saint-Gilet, qui avait eu 3 médailles d'argent, puis qui avait fini deuxième au cumulatif aussi. Donc Marianne avait connu des championnats du monde excessivement bons. Puis on se rappellera, on avait parlé ensemble, elle était revenue un peu, elle était contente, mais il y avait comme un peu de passer si proche d'être championne du monde, mini-déception à ce niveau-là, mais le résultat était quand même vraiment excellent. Le deuxième au championnat du monde l'année avant les Jeux. Puis, ce qui était très intéressant, c'est que son coéquipier du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Sam Girard, avait eu lui aussi une médaille d'argent au 1500 mètres, puis il avait fini troisième au cumulatif du championnat du monde. Donc, deux de la grande région du Saguenay-Lac-Saint-Jean sur le podium du cumulatif des championnats du monde. Donc, ça a conclu l'année 2017, comme tu dis. Ça a prouvé que le sport national chez vous est assez fort et est encore très fort parce que on en a parlé toute l'année ensemble. C'est vraiment le fun de voir une Marianne puis un Charles Hamelin qui sont les vétérans qui vont dans les prochaines années quitter. Mais de l'autre côté, il y a un jeune puis Sam Girard puis il y a Kim Boutin aussi de Sherbrooke qui est jeune également qui sont vraiment en train de prendre la relève puis. Vraiment, là, t'sais, Sam Girard, il est du numéro 1 chez les hommes, puis Kim Boutin puis Marianne, c'est serré aussi. Fait que c'est vraiment le fun de voir ça, les vétérans puis les recrues, ben, sont plus vraiment recrues, mais disons les plus jeunes qui sont ensemble comme ça. OK. Donc, après ça, ça a été la sélection olympique canadienne. Ouais. Donc, année 2017. Moi, j'ai été content si on avait pour Cassandra Bradette. Ben, c'est ça. Dites-moi, c'est ça que j'allais dire. Si on avait un événement à regarder en 2017, ça fait 4 ans qu'on pense aux sélections olympiques. Sélection olympique en passage de vitesse courte piste, c'était au mois d'août à Montréal. Donc, pour eux, c'est quand même intense hein, parce qu'ils ont les championnats du monde à la fin de l'hiver. Puis après ça, d'habitude, ils prennent une pause. Mais là, comme c'est une année olympique, pas beaucoup de pause. Retournent sur la glace rapidement. Puis déjà au mois d'août, c'est à ce moment-là qu'il faut être au sommet de sa forme, vraiment au sommet. Puis, on se rappellera qu'il y avait eu des incidents. Marianne avait eu une chute la veille des sélections. Donc, Marianne n'a pas participé aux sélections parce qu'elle avait des symptômes de commotion cérébrale. Ensuite, il y a Valérie Maltais qui avait super bien commencé les sélections. Notamment, là, était en tête aux 1500 mètres, puis c'était vraiment un très bon début. Puis elle aussi, elle a eu une chute au milieu des sélections, donc elle n'a pas terminé les sélections. Mais une qui a terminé les sélections, c'est Cassandra Bradette. Ouais. Puis Cassandra qui a terminé troisième aux sélections, donc Val qui n'était pas là, Marianne qui n'était pas là, Cassandra termine troisième derrière Kim Boutin et Jamie McDonald. Donc Cassandra vient assurer sa place pour les Olympiques. Mais c'était plus compliqué que ça là, en terminant troisième comme ça, étant donné que Marianne et Valérie ont eu un bail par la suite, donc ont été ajoutées à l'équipe olympique. Donc Cassandra devenait la cinquième fille. Puis pour s'assurer d'aller aux Jeux olympiques, il fallait que les filles classent le relais féminin pendant les Coupes du monde. Puis on va en reparler tantôt, mais je peux vous dire que Cassandra va aux Jeux, donc c'est vraiment objectif réussi pour elle. La tête très haute pendant les sélections, a tout fait ce qu'il fallait pour gagner sa place. C'est pas par la porte d'en arrière. Est allée prouver que Cassandra, c'est quand même une fille d'expérience, puis c'est apparu pendant les sélections. Si on y allait maintenant avec puis c'est pas juste ça non plus, j'ai fait plusieurs entrevues avec elle, avec Marianne. Tu sais, Marianne est populaire à Saint-Félicien, puis Cassandra a toujours été dans l'ombre, mal de dos. Est-ce que ça, c'est elle l'a pas eu facile, là, puis elle va vivre son rêve. C'est sûr qu'il faut pas s'attendre à une médaille. Dans le cas de Cassandra, là, c'est plus une athlète qui va vraiment être là comme figurante, mais quand même, juste le fait d'être là, là, c'est déjà extraordinaire dans son cas. Je pense pas qu'elle gagne une médaille à Pyeongchang. Je pense pas que c'est l'objectif, parce que de toute façon, je sais pas encore, c'est pas moi qui décide ça, c'est les coachs qui décident si elle va patiner les distances individuelles. Mais par contre, Cassandra est un élément important du relais. Puis le relais féminin a très bien été en Coupe du monde cet automne, le relais masculin aussi d'ailleurs, on va en reparler tantôt. Donc Cassandra va faire partie assurément de l'équipe de relais. Puis en étant dans l'équipe de relais, ben là, on peut viser. On vise une médaille, puis c'est sûr qu'on vise d'être au sommet du podium. Donc Cassandra fait partie de cette équipe-là. Mais oui, c'est sûr qu'elle a eu, une carrière difficile avec ses blessures, avec, comme tu dis, avec une Marianne qui est de la même. Le problème de Cassandra, c'est qu'elle n'a pas confiance en elle. C'est ça son problème dans le cas de Cassandra. Puis là, je pense que les dernières années commence à l'aider dans ce sens-là aussi, parce que les coachs y ont fait confiance, elle s'est fait de plus en plus confiance, on l'a vu dans le championnat du monde, en sélection olympique, donc tu sais, juste cet automne aussi, je pense à un moment donné, elle a gagné sa finale B au 1000 mètres, tu sais, c'est quand même cinquième au monde quand tu gagnes une finale B, là, c'est pas rien être cinquième au monde, donc je pense vraiment que les dernières années l'ont aidé dans ce sens-là, puis je pense qu'elle va être un élément important du relais olympique féminin. OK. Si on y allait maintenant avec les Coupes du monde qui ont eu lieu, ça sert de baromètre, puis surtout encore cette année, ça sert de baromètre vraiment là, pour... il y a eu lieu en Asie, il y en a eu aussi, je pense qu'il y en a eu en Europe aussi, je ne sais même pas. Europe-Asie, c'est les deux. Donc, puis... si on y allait, puis ça a été quand même assez concluant, là. Mais plus ou moins, je pourrais dire plus ou moins. C'est ça. C'est parce que c'est difficile à savoir, parce que tu sais, nous, l'équipe courte-piste, leur qualification, on vient de le dire, la qualification olympique, c'était au mois d'août. Donc, ils étaient au maximum de leur forme au mois d'août. Donc après ça, c'est sûr qu'il y a une baisse d'adrénaline, il y a un petit repos, puis là, on revient, on essaie d'être au top de sa forme aussi en Coupe du monde. Mais en même temps, le top de la forme pour vrai, il est aux Olympiques en février. Donc, c'est dur de savoir nos athlètes se situer où par rapport aux autres pays qui, eux, parfois ont leur sélection olympique début décembre. Donc, eux, ils sont en construction jusqu'en décembre. Donc, c'est difficile de voir où on se situe avec les autres pays. Mais nos athlètes sont montés sur le podium. Valérie est allée sur le podium. Marianne y est allée trois fois. On n'a pas encore parlé de Samuel Girard, mais lui, aux sélections olympiques, il avait gagné 7 des 9 courses, Sam. C'était une domination vraiment dominante devant Charles Hamelin, mais encore là, Charles a prouvé qu'il était encore présent. Puis Sam, cet automne, en Coupe du monde, 3 médailles. Mais comme je disais, on parlait des championnats du monde, puis ça, en plus des championnats du monde, mais cet automne, 3 médailles. Puis après ça, je regarde quelque chose de très intéressant dont on a glissé un mot, le relais masculin. A terminé 3 fois sur le podium en 4 courses. Les filles ont fait deux fois sur le podium en quatre courses. Donc là, dans ce cas-là, c'est pas moi qui vais leur mettre de la pression, là, ils savent ce qu'ils attendent. C'est vraiment objectif médaille pour eux, pour le relais masculin et le relais féminin aux Olympiques. Puis Sam fait partie assurément de ceux qui vont avoir ça comme objectif, d'amener cette équipe-là sur le podium. Puis l'automne nous a montré que les gars comme les filles étaient capables de faire. Parce qu'en Coupe du Monde, c'est ça, les athlètes ont essayé des choses. Comme on a vu Marianne qui a commencé la Coupe du Monde un peu plus de façon plus relaxe parce qu'elle revenait de sa commotion cérébrale, elle voulait pas se brûler. Donc c'est ça qu'on va voir. Où ils en sont, on va le voir rendu au jeu. Mais je trouve que ils ont fini l'automne, puis je pense que c'était ça un peu le mot, là. Fini l'automne confiant. Mais c'est vrai que surtout chez les gars, c'était un peu plus difficile. Surtout d'ailleurs aux 500 mètres, les gars seront pas trois, vont être deux. C'est rare que nos gars ont pas toutes les places qualifiées là, pour les distances. Donc on voit que ça a pas été un automne parfait. Mais je pense que les gars sont confiants, puis les filles aussi, pour ce qui s'en vient en 2018. OK. Donc, simplement, on va faire une pause, et après la pause, on va se parler de ce qui s'en vient avec Pyeongchang. On sait que, historiquement parlant, le Canada a toujours été très fort aux Olympiques en patinage de vitesse sur courte piste. Là, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver. Donc, vous écoutez la revue de l'année du patinage de vitesse sur courte piste avec François-Olivier Robel. En ce temps des fêtes, le moment est vraiment propice pour penser aux gens qui font notre succès. Le propriétaire de Remorque 2000, M. Daniel Deschênes, et tout son personnel désirent remercier sa distinguée clientèle et profite de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Tout besoin en remorque, c'est l'équipe de Remorque 2000 qu'il faut contacter, la référence au Saguenay-Saint-Jean dans ce domaine. Remorque 2000 au 143 rue Dequin à Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 88-276-93-83. En cette période de réjouissance, Construction Proco, qui se spécialise dans la charpente, structure de pont et revêtement, aimerait souhaiter de joyeuses fêtes à toute la population. Notre entreprise est très fière d'être impliquée dans la construction du nouveau pont dans notre secteur et remercie la population pour sa patience pendant les travaux. Construction Proco, une entreprise de notre région. Bonjour, ici Léa et Clara. Nous sommes la sixième génération de chez Salaison Vaisson. C'est nous qui sommes responsables des communications. Une tâche nous a été confiée cette année. Nous avons l'honneur de vous souhaiter les vœux du temps des fêtes. Au nom de Salaison Vaisson, nous vous souhaitons bonheur, amour et prospérité pour la nouvelle année. Ayons la force de croire en nos rêves afin de les réaliser. À tous nos parents, clients et amis, nous vous souhaitons joyeux Noël et bonne année. Parce que si c'est pas Besson, c'est pas aussi bon! Le site touristique de la Chute à l'eau vous accueillera cet hiver. Plusieurs services vous seront offerts. Location de chalets, sentiers de raquettes, accès direct via les sentiers régionaux de motoneige, restauration avec service de bar et entrée gratuite sur le site. Pour plus d'informations, visitez lechutealour.com. On est de retour à danadosport.com. C'est la rétrospective de l'année en patinage de vitesse sur courte piste. C'est une année olympique. François, dis-moi, Sochi, ça avait été un désastre pour Marianne Saint-Gelais. Ça avait été un désastre également pour Charles Hamelin. Cassandra Bredet n'était pas là, mais Valérie Malta n'a pas connu des bons olympiques aussi. Je peux pas parler pour Marianne, mais si elle aurait connu une bonne... des bons Olympiques à Sochi, elle ne s'est probablement pas revenue. À quoi qu'il faut s'attendre à Sochi? C'est pas un endroit, ça va être un endroit quand même assez hostile. En Corée du Sud, les athlètes, c'est le sport national, donc ce ne sera pas facile d'aller chercher des médailles à Pyeongchang. Oui, donc je vais commencer par dire 4, on le disait avant la pause, là, 4 athlètes du Saguenay-Lac-Saint-Jean sur 10 de l'équipe canadienne. Donc Valérie Maltais, Cassandra Bardet, Sam Girard, Marianne Saint-Gelais, 4 sur 10, un super beau succès, déjà là. Puis, en Corée du Sud, c'est le sport qui va être le plus attendu, c'est le patinage de vitesse courte piste. Mais je veux pas parler pour eux, moi non plus, mais je crois que nos athlètes aiment ça, cette ambiance-là. Okay. Se retrouver dans une place où les spectateurs connaissent le sport, les connaissent, hein, sont des vedettes là-bas. Ça, je pense que pour nos athlètes, c'est un point positif, puis je pense qu'ils sont préparés à ça aussi. Pour ce qui est des... C'est vrai que Sochi, ça avait pas été top. Non, ça avait été déjà. Puis là, une grosse différence, c'est que... Marianne, Charles, c'est leur dernier jeu. Val Maltais, je ne sais pas ce qu'elle va faire. Ce qu'on m'a parlé cette semaine, parce qu'il y avait, évidemment, la chronique était enregistrée juste avant la période des fêtes. Donc, on a fait le bilan de ce qui s'est passé à Chicoutimi au niveau junior. Puis David Simon m'a parlé qu'on parle, dans le cas de Valérie Maltais, du longue piste. Tu as entendu parler de ça aussi? Oui, j'ai entendu parler de ça aussi. C'est sûr qu'elle m'a parlé, mais je ne sais pas à quel point c'est un plan de carrière. Je ne sais pas. Mais ça se pourrait que dans 4 ans, ça soit Valérie Maltais, représentante de l'équipe longue piste. Là, si elle veut faire le move, moi, j'y crois. J'aimerais savoir ce que Val peut faire. Mais on sait, avec son expérience en roue alignée, ça pourrait l'aider. OK. Donc là, on a une grosse équipe. Là, on arrive à Pyeongchang 2018. Tu sais, moi, ce que je trouve, c'est que Marianne, Sam, Girard, puis Kim Boutin ont été assez réguliers sur le podium en Coupe du Monde. Mmh. Donc ça, c'est un super bon indicatif. Ils ont fait des podiums, ils en ont fait 3-4 chacun. Kim Boutin aussi. Eux peuvent vraiment s'attendre à des médailles individuelles, puis je pense que ça va être l'objectif. En fait, sans aucun doute, l'objectif. Ensuite, Charles Hamelin l'a fait encore. Et, la dernière Coupe du Monde de l'année... À Séoul, justement, il a fait une médaille d'or. Valérie a eu une médaille aussi d'argent à l'automne. Donc, je pense que c'est tous des athlètes qui peuvent viser des médailles individuelles. Alors, ensuite, c'est les courtes pistes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Où ils vont se trouver? Comment les finales vont finir? Comment les résultats vont arriver en finale? C'est très dur à prédire, mais il va y avoir des médailles individuelles. Ça, je l'espère fortement. Et il va avoir des médailles en relais, les gars et les femmes, c'est le gros objectif pour eux. Puis c'est là qu'on parlait, dans les noms que j'ai nommés, j'ai pas nommé Cassandra encore. Cassandra va aider au relais, va aider l'équipe des femmes. Donc, moi, je pense que c'est ça. Ces athlètes-là vont se mettre de la pression. Ceux qui ont eu des médailles en Coupe du Monde savent qu'ils sont capables de le refaire au jeu. Puis il y en a qui c'est leur dernier jeu, donc assurément qu'ils vont se mettre de la pression, mais une pression positive, hein. Ils savent comment réagir, puis c'est pas leur premier, pour la majorité, c'est pas leur premier jeu. Ils vont savoir comment arriver là. Ça, c'est une grosse différence, parce que les Olympiques, c'est déjà très, très, très gros, très, très, très stressant. Mais en courte piste, on dirait que c'est encore une coche de plus, parce que c'est toujours là, ça passe ou ça casse, tandis qu'en Coupe du Monde, il y a toujours une Coupe du Monde la semaine d'après ou deux semaines après, mais les Olympiques, c'est une fois en 4 ans. Donc, il faut l'avoir vécu pour savoir à quoi s'attendre. Puis les jeunes qui l'ont pas vécu, ben ils ont les plus vieux, justement, pour les aider là-dedans, pour les guider, pour leur montrer comment ça fonctionne, puis pour pas qu'ils se mettent une pression qui est trop élevée sur les épaules, parce qu'il faut s'en mettre de la pression, mais il y a un niveau raisonnable, puis je pense que les vétérans vont être là pour aider les plus jeunes. Effectivement. François, ce qui me reste, c'est de te remercier pour ta participation, tout au long de ta collaboration également. Ce fut fort agréable, encore une fois, cette année. Et on plaisir de se parler en 2018. Certainement. Avec Pyeongchang. Est-ce que tu y vas, Pyeongchang? Non, j'y vais pas. Moi, en plus, je fais des Québécoises, tu sais, fait que de un, j'y vais pas, puis de deux, je vais être en congé parental. Ah, OK. J'ai eu mon deuxième enfant, puis là, je prends mon congé pendant cette période. Fait que je vais être à fond devant ma télévision puis mon ordinateur pour regarder ça. Bon, ben c'est beau. François-Olivier Robert. Je voudrais te remercier là, pour la visibilité que tu as nos patins. Oui, merci. Vraiment, on le voit que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous êtes fan de patins de vitesse, puis ça va nous faire plaisir de collaborer en 2018 et au-delà, parce que c'est important de le faire quand les gens s'intéressent aux patins, nous... Ça me fait plaisir d'être présent aussi. Ben, il n'y a pas de problème. Ben, il n'y a pas le choix. Je l'ai dit en début d'entrevue, tu as juste à regarder le... Puis tu comprends pourquoi je t'appelle. Ah oui! Donc, François-Olivier Roberge et la revue du patinage de vitesse sur Côte.